voilà, après cet interlude, on va pouvoir attaquer une seconde partie, plus sur tout ce qui est live action. Les séries live et puis les tokusatsu, on expliquera ce que c'est tout à l'heure. On va commencer par les séries, je dirais, live technologiques. Alors, on va lancer ça avec un classique vraiment indémodable pour moi. Enfin, c'est l'homme qui veut être au milliard. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur. Cette série qui a été diffusée en 75 sur Antenne 2, qui compte pas loin de 100 épisodes. Donc c'est l'adaptation du roman Cyborg de Martin Kaydin, réalisé par Kenneth Johnson. Kenneth Johnson aussi qui plus tard a adapté l'incroyable Hulk avec Bill Bixby et Lou Ferrigno. Cette série, ça nous raconte l'histoire du colonel Steve Austin, qui perd en fait deux jambes, un bras et un œil. Mémoire, c'est une rentrée atmosphérique qui se passe mal, c'est ça ? C'est une expérience d'un avion. Ils expérimentent un nouvel avion, et ça se passe mal au niveau de mécanique, et il s'écrase en fait. Il est vivant, mais il sait qu'il va finir comme un légume en fait. Donc il arrive, et puis il y a Oscar Goldman, qui est une agence secrète gouvernementale, qui lui propose justement d'hériter de ses prothèses bioniques, comme ils disent dans la série, et puis il devient plus rapide. Plus fort, en un mot, le meilleur, comme ils disent en générique. Et cette série, moi j'ai beaucoup aimé parce que déjà, j'aime bien l'Imageurs en général, ce qu'il fait, surtout dans les séries. Alors je pense aussi à l'homme qui tombe à pic. Je sais pas si tu l'as vu aussi. Ouais, ça, l'homme qui tombe à pic, tu vois, c'est typique années 80, ouais. C'est-à-dire un mec tout seul qui doit sortir de son ordinaire ou alors qu'il a des compétences spéciales et qui sauve la situation. C'est ça. On avait toujours ça, même dans L'amour du risque, hein, c'était le même truc. Hein. Ouais, là c'est Robert Wagner, mais c'est autre chose. Mais pour cet épisode, bah, on a toujours des intrigues autour de la technologie ou bien des extraterrestres, ou bien même le Bigfoot à un moment. Je pense aussi à des némésis. Il y a une espèce de némésis à un moment contre Steve Austin, avec un gars qui en fait a un bras bionique de plus, donc il est plus fort. Donc ça nous donne un peu un truc de titan où les mecs passent à travers les murs. Mais à côté de ça, il y a le capital sympathie de l'Imageurs. Moi je trouve que ça marche, et au lieu de, je sais plus combien de saisons, mais ça a duré longtemps. Il y a eu des téléfilms après, mais c'est un personnage que moi, qui est profondément marqué pour moi. Alors je sais pas pour toi ce que ça représente Steve Austin en fait. Bah, Steve Austin, là, c'était un super héros avant l'heure. Hein. Ouais. Il avait c'est pas vraiment des super pouvoirs, mais si, il avait des capacités extraordinaires. Voilà, de mémoire, lui, il pouvait voir loin. Ouais, c'était Super Jimmy qui pouvait entendre loin. Puis ça me faisait penser un peu à Superman, quoi. Il faisait des bons phénoménaux pour aller sauter sur un immeuble. Puis voilà, il avait un bras qui envoyait tout valser. Il pouvait péter des caillasses à main nue. On s'en sert tous les jours de ça. Hein. Ouais. Et puis les effets spéciaux, c'était des ralentis, quoi. Bah, après, qu'il y a un super pouvoir, c'est un ralenti. Ouais, parce que l'anecdote qu'au début ils aient fait des essais de course, alors quand ils courent mais ils couraient tellement vite qu'ils disent ça fait trop bénil, donc tu m'étonnes, accélérer le profil, donc ils ont donné cette impression de puissance à travers des ralentis. Puis comme le mec est assez carrure et tout, je trouve que ça rend bien finalement à l'écran. Et quand il saute aussi, ça fait t'as une drôle de bruit. J'essaierai de vous mettre un bruitage, ouais. Et puis tout pour l'œil et tout. Et puis quand il plie son bras, ça fait bien sympathique. Il y en a certains qui trouveraient kitsch, mais moi je revois toujours les épisodes avec plaisir, quoi. Donc on a eu aussi Super Jimmy, tu l'as cité tout à l'heure. Ouais, spin-off, hein, le pendant féminin. C'était vraiment pas terrible. Ouais, une joueuse de tennis qui devient un super agent secret, que Lindsay Wagner, donc Jimmy Summers. Et il y a eu un reboot de cette série qui s'appelle Bionic Woman, et ça a pas marché parce que il y a eu même pas 10 épisodes. C'était en 2007. Très bizarre cette série, pas spécialement, je sais pas, elle a pas eu de succès. Peut-être qu'on attendait un reboot de l'homme de Bionic Man, parce que maintenant c'est Bionic Man, parce qu'il y a toute une série de comics et de romans. Et il y avait un magazine qui s'appelait Télé Junior dans le temps, je sais pas si tu connais, publié pas mal de bandes dessinées. Il y avait l'homme qui va être en milliard, il y avait Galactica, il y avait tous les héros du moment, quoi. Il y avait même du Goldorak qui était très mal dessiné. Et voilà, quoi. Moi j'apprécie cette série. Plusieurs fois on a parlé à Hollywood d'avoir une espèce de reboot. Il était même au moins question d'une parodie avec Jim Carrey. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on voulait dire sur l'homme qui va être en milliard. Et je vais te laisser enchaîner avec Automan. Alors voilà, dire, une série largement confidentielle, s'appelait Automan. En fait, c'était un super-héros qui était issu d'une technologie d'ordinateur. C'est-à-dire que c'était pas un vrai homme. Il y avait juste la tronche d'un homme et tout le reste du corps, c'était un peu comme Tron. C'était des polygones, en fait. Tron, ouais, c'est ça qui me fait penser. Ah, le Tron du pauvre, quoi. Et en fait, le super-pouvoir, c'était pas vraiment le mec qui l'avait, parce qu'en fait, le super-pouvoir, c'était juste un curseur qui se baladait, qui s'appelait Curseur, d'ailleurs. Et qui dessinait tout ce que le mec il avait besoin et ça se transformait en réel. Une super bagnole à moi. Ouais, il dit curseur, dessine-moi une voiture. Le truc, il dessinait une voiture en polygone. Ouais. Une moto, pareil. Je sais pas, moi, n'importe quoi. Et c'est curseur qui dessinait. Et les effets spéciaux étaient quand même assez corrects. Bon, c'était pas transcendant, hein, ça reste années 80. Et donc, il combattait le crime et il faisait des enquêtes et c'était un programme informatique. Bon, pas Code Lisa non plus, hein, faut pas déconner. Mais voilà, un programme informatique avec son petit curseur qui pouvait dessiner tout ce qu'il voulait. Ça l'aidait à avoir des outils. Ouais, c'est très inspiré de Tron, ça, parce que tu me dis avec les lignes qui dessinent en fait un squelette. Ouais, c'est ça. C'est du dessin vectoriel mis en réel. Bah ouais, et puis moi je me souviens surtout de la super bagnole avec. Il y avait pas ces espèces de lignes de laser bleu à un moment. Si, c'était. À la retour à le futur quoi. C'était des polygones en fait. Ouais. C'est la voiture, c'était des polygones, donc c'était des lignes de tubo néon sur la bagnole quoi. Ouais. Puis voilà, c'était censé être informatique. Ça a pas duré très très très longtemps. Je vois 13 épisodes. Non, c'est le genre de truc comme Manimal qui n'ont pas pu durer longtemps pour un problème de public. C'était pas un peu trop kitsch pour l'époque. Si, c'était kitsch, puis on avait des trucs qui étaient superbement ancrés, un peu comme Knight Rider ou Supercopter, Airwolf. Dont on va parler après. Donc, se faire une place, c'était dur, comme les trucs Le Magicien avec le nain, là, je sais plus comment il s'appelait. Voilà, c'était des trucs qu'on pouvait pas trop en mettre, mais on en faisait beaucoup à l'époque. Mais tout marchait pas. Pouvoir parler de K2000, et ça, c'est un gros phénomène quand même, K2000. Alors, Knight Rider, quand c'est sorti. Je pense pas de façon. Je vous fais écouter le générique. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui connaissent pas. Donc K2000 à l'époque, c'était révolutionnaire l'idée. Une voiture autonome, une Google Car avant l'heure, quoi. Donc, avec sa propre conscience aussi, la voiture, elle avait. C'était un personnage. C'est pas un accessoire. La voiture en elle-même, c'était un personnage. Il y avait une arme, ouais. Et puis Michael Knight. David Hasselhoff. David Hasselhoff. C'est un caméo dans les Gardiens de la Galaxie numéro 2. Et puis voilà, donc c'était lui le super-héros avec sa voiture. Sa perruque, sa coupe. Le chevalier solitaire et sa monture, c'est ça. Donc voilà, héros des temps modernes, et puis la voiture. Dernier recours des innocents. Ouais, dernier recours des innocents. La voiture, à part faire le café, elle faisait tout, quoi. Ouais, c'est vrai, puis il y avait cette espèce de lumière rouge à l'avant de la bagnole qui rappelait les Cylons d'ailleurs. Il y avait les Cylons qui avaient aussi leur truc sur. Ouais, là aussi sur la DeLorean de Ready Player One. Parmi les nombreux clins d'œil disséminés dans cette immonde bouse de. Spielberg. Oh là, je vais me faire tacler, c'est pas grave. Allez, tapez pas dans les commentaires. Mais moi je trouve qu'elle était classe cette Pontiac, c'est une Pontiac Firebird apparemment. Elle était vraiment classe cette bagnole et puis si c'était une Thunderbird ou alors il appuie sur un bouton puis elle décollait. Il pouvait faire des bonds avec la voiture. C'est ça. Et puis à un moment t'as l'épisode où il s'est fait écraser et puis il y a une espèce de résurrection et puis la bagnole elle devient superbe, un peu à la Masque je trouve moi. Ouais, un peu à la Masque et d'ailleurs c'est des jeunes de cité qui la reconstruisent. Hein. Ah ouais. Ouais, des mecs, enfin, des surdoués, quoi. Non, mais à l'époque, c'était clairement des clichés racistes, hein. C'était les blacks du coin qui venaient reconstruire la voiture. Kit, en volant du matériel. D'accord. c'était kit, la bagnole. Et là, ils pouvaient aller à 300 miles par heure. Ah ouais, alors, c'est fou. C'est vrai que c'était la super. Je crois que c'est parmi la trilogie de, avec Supercopter et Tony Mécanique. Je pense que K2000, c'est la plus connue, quoi. La plus iconique, c'est K2000. Ouais. Suivi de très près par Supercopter. Par contre, Tonnerre Mécanique, c'est resté plus discret. Ah, c'est hyper, mais on va en parler après. Par contre, on va parler un petit peu des suites et de K2000. Alors, toi, tu l'as vu cette série Nom de code TKR là. Alors, TKR, je connais pas, j'ai pas vraiment vu la série, parce qu'en français, elle est quasiment impossible à trouver. Mm-hmm. Par contre, je connais juste ce qu'ils disent, quoi. C'est que Michael Knight, une personne a réussi à changer pas mal de choses dans la société, qu'est-ce que ça donnerait avec 5 ou 6 personnes? Ouais, c'est ça, c'est l'équipe. Ouais. Et du coup, t'as une équipe et chacun. C'est un peu comme Voltron, quoi. Chacun a sa particularité. Bah, ça faisait un peu Masque hein, finalement, cette histoire, non? Ça faisait un peu Masque, ça faisait Fake aussi, hein, faut dire ce qu'il faut. Ça faisait, on va ramasser du pognon encore plus. C'est très entre K2000 et Power Rangers Turbo. Sauf que ça faisait pas un robot géant à la fin. Il y a un robot géant de cette histoire de TKR, non? Non, il y a pas de robot géant. Bon, ça va, là. Pas comme ils ont fait dans New Night Rider. Ouais, bah là, vas-y, enchaîne. Le retour de K2000. Le retour de K2000, en 2008. Ouais. Je l'attendais avec impatience. Ouais. Bah, j'ai été déçu. Ils ont quand même dû déprogrammer des épisodes. C'était parti pour 23 épisodes et ils en ont fait 17. 17. Donc, Et bien bâclé. Hein. Et la bagnole qui. Maintenant, c'est une Mustang apparemment. Ouais, c'était une Ford Mustang. Bah, ils avaient un partenariat avec Ford depuis le téléfilm de K2000 où c'est Kid était devenu une Ford Probe. D'accord. Ils avaient un partenariat obligatoire avec Ford. Bon, après, voilà, une Ford ou une autre. Hein, tant que c'est pas une voiture toute pourrie, y a pas de problème quoi. C'est quand même des voitures qui ont de la gueule, hein, les Ford Mustang. Et là, dans New Night Rider, c'est des concepts éculés. C'est un peu comme on parlait de l'homme qui valait 3 milliards tout à l'heure. Ouais. C'est ou MacGyver, la série qui sort maintenant. C'est des concepts à l'époque qui étaient innovants, qui faisaient un peu passer la science pour ce qui va sauver l'humanité, etc. Et maintenant, les concepts de maintenant, c'est la science qui est en train de détruire l'humanité, tu vois. C'est l'anticipation, quoi. Ouais, ouais. Donc ça se prête pas au jeu de ce qu'il y avait à l'époque. À l'époque, une voiture autonome, tout le monde disait, ouais, c'est impossible. Tandis que maintenant, une voiture autonome, on sait que c'est possible. Google l'a fait, donc c'est ça. Voilà. Mais c'est moins impressionnant maintenant qu'avant. Elle devenait pas invisible aussi dans cette série, là. Dans New Night Rider, j'ai pas souvenir que la voiture devienne invisible. C'est plus dans les Highwaymen où le camion devient invisible. Ah, d'accord. C'est un peu comme dans la James Bond avec Pierce Brosnan, où il y a l'espèce de... Ouais, de... Sa voiture... Sur la glace, là. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que c'était nul. Et puis la voiture du méchant, elle est autant équipée que celle de James Bond. Ouais, ça doit être ça, ouais. Tu vois, ça devenait science-fiction, petit aparté sur James Bond. Après, ils ont fait un écrasement de la série James Bond avec le nouveau Craig, Daniel Craig, ouais. Et là, ça devient un peu plus film d'espionnage et d'action. Ouais, style de Jason Bourne. Enfin, d'espionnage, le mec, il dit son nom à tout le monde et il s'étonne que sa couverture, elle est pas tenue. C'est vrai que si on fait un jour un truc spécial James Bond, il y aurait beaucoup à dire sur le personnage. Ouais, sur le personnage de James Bond, il y aurait beaucoup à dire. Et tu vois, là, K2000, à l'époque, tu vois, c'était seul contre tous. Ça marchait, à l'époque, c'était toujours ça. C'était seul ou en petite équipe pour lutter contre les injustices. Et là, quand tu prends MacGyver ou New Night Rider ou Bionic Man, etc., les enjeux sont trop importants pour faire une série familiale. Ouais, quand t'as David Hasselhoff, il s'est un peu perdu sur les plages de Malibu après, donc... Et puis il a trop bu de Malibu aussi. Ouais, donc c'est devenu un peu une icône kitsch des années 80, hein, parce qu'il a fait pas mal de vidéos un peu nostalgiques. Ouais, puis attends, il a quand même tourné dans Bob l'éponge, hein, David Hasselhoff. Ouais, c'est pas une référence. Hein. Non, mais tu vois, la déchéance du mec, quoi. Ouais, ouais, c'est un peu dommage, mais bon. Et à l'époque, c'était beaucoup des séries comme ça. On avait un foi en la technologie et on faisait des trucs, tu vois, la technologie incroyablement avancée. Bah, comme dans Supercopter, pour faire attention. Supercopter, Airwolf en américain. Moi, j'ai souvenir juste du jeu Atari qui m'a fait arracher. Justement, j'allais en parler de ce jeu. Avec le petit hélicoptère que tu tirais sur tous les coups, là. Les avions et tous les trucs qui. C'était en scrolling horizontal, je crois, un truc comme ça. Et moi, je l'ai connu sur Atari 2600, alors le scrolling, j'attends encore. Ouais. En tout cas, moi, j'avais une version Amstrad, et puis c'était pas terrible qu'on ait eu un nouveau jeu. T'avais le petit hélicoptère, tu sais, que sur l'écran comme ça, et puis t'avais les trucs qui arrivent de la droite, là. Ouais, sur le CPC 464. Ouais, c'est ça, ouais. Ah bah, je l'ai eu aussi. Bah, il était horrible aussi à jouer. Ah, ouais. Il était impossible. Pixelisé, que c'était dégueulasse ce jeu. Et pourtant, ça s'est bien vendu à cause de la licence Supercopter avec Nightfellow Hawk. Allez, on parle des acteurs un petit peu. Là, c'est une création de Donald P. Bellisario, qui est un producteur de séries assez connu aussi. Là, on a quand même 80 épisodes, donc ça a duré pas mal de temps. Avec Yann Michael Vincent, donc qui incarne le héros. Springfellow Hawk. Ouais, qui fait tout le temps la gueule dans ce film, dans cette série, non? Ah, il sait pas sourire. Ouais, il y a Ernest Borning que j'aime bien, un acteur que j'aime bien, qui faisait Dominique Santini, son collègue. Et après. On a vu dans Retraité extrêmement dangereux, ça m'a fait super plaisir de le revoir. C'est R.E.D. numéro 2. Ouais. Ouais. Numéro 1. Ça le 1 dans Red quand il est archiviste, là. Ah, ça m'a fait plaisir de le revoir. Ouais, sinon, Ernest Borning, on l'a vu dans Les Douze Salopards, on l'a vu dans L'Aventure du Poséidon, tous des vieux films, mais c'est un grand acteur. Hein. Et voilà, quoi. Et puis, Vincent, il a pas fait grand chose. Hein, mais... puis, ça tranchait, hein, l'acteur. Il était toujours souriant, et il faisait toujours Il faisait toujours la tronche, et puis, à un moment, même, c'était l'hélicoptère de combat qui sortait de, qui sortait de sa montagne. Avec les, il y avait de la gueule, cet hélicoptère. En plus, c'était basé sur un modèle d'Agusta Bell, je crois, un truc comme ça. Un Shark, je sais plus quoi, en fait. Enfin, bref, il avait de la gueule, cet hélicoptère. Ouais, noir et le ventre blanc. Ouais, j'aimais bien aussi cette série. Mais un peu redondant quand même, au niveau des épisodes. Ah, super redondante, mais il y avait des épisodes qui étaient quand même bien tournés. Ouais. Et puis il y avait cette histoire de Vietnam, il devait rechercher son frère, et puis apparemment son frère prend la succession dans les saisons qui, je sais plus lesquelles. Bah, il y a eu des saisons où c'était plus Spring qui pilotait. Moi, j'avais pu le pilote. En fait, il veut pas rendre l'hélicoptère parce que il dit que c'est beaucoup trop dangereux pour l'armée, que c'est surexploité. Ouais, puis surtout que celui qui a conçu l'hélicoptère a mis un virus dans l'hélicoptère. Donc, s'ils reproduisent l'hélicoptère, ils vont reproduire le virus à grande échelle. Voilà, donc moi, je me souvenais pas de tous ces détails. Moi, je regardais comme ça, mais... Bah moi je suis traîné devant la télé, hein, c'était dans la une est à vous, et voilà, Supercopter, forcément, dès que ça passait. Puis le générique super kitsch avec les lignes horizontales et... Ouais, puis ce thème sonore aussi. Voilà, là on entend ça, on sait que c'est Supercopter qui arrive. Ouais, attends, je vais faire une petite aparté parce qu'il y a une autre série d'hélicoptères de combat qui est sortie, c'était Tonnerre de Feu. Alors à l'origine c'est un film, et là il est question de surveillance et d'un super hélicoptère de combat, avec la grosse mitraillette à l'avant et... il détruit l'hélicoptère, mais dans la série, là c'est une espèce de police de l'air avec le tonnerre de feu. Et les épisodes, bon, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, mais ça n'a aucun intérêt cette série. Moi, le film était vraiment excellent parce qu'il y avait les thématiques de la surveillance et des dangers de la technologie. Et il y avait vraiment des très belles poursuites avec des avions et des hélicoptères à travers la ville. Mais sinon, la série est complètement ratée. Mais c'était un petit peu aparté pour dire qu'il n'y avait pas que Supercopter en ce moment, en ce temps-là. Ouais, on va en enchaîner sur Tonnerre mécanique. Moi que j'aime bien, j'aime beaucoup. Tonnerre mécanique, moi j'y croyais moins. Hein. Déjà, c'était un motard. Hein. Tu lui mets un bâton dans sa roue, ça botte de tonnerre mécanique, le mec qui meurt comme une grosse merde. Le quoi. Problème, c'est que bon, c'est Street Hawk, l'aigle des rues en fait. Puis apparemment, aux États-Unis, on peut équiper n'importe quel engin d'armes militaires, ça pose pas de problème. Ah ouais, en plus. Et puis il roule à 500 km sur une grande route et il se prend jamais une bagnole. Non, jamais un piéton, jamais une bagnole. Donc c'est vrai que au niveau crédibilité, bon, ça la fout mal au niveau de cette série. Et on retrouve justement 13 épisodes, hein, ça a pas duré longtemps, c'était assez discret, comme tu disais tout à l'heure. L'acteur, c'est Rex Smith, il a rien fait, à part que c'est lui qui jouait Daredevil dans le téléfilm avec Hulk, avec Billy Bixby, tu sais, le Daredevil tout noir, le ninja Daredevil. C'est encore une histoire d'agence gouvernementale qui emploie cet ancien motard qui a eu un accident. Ah, puis non, au début c'est ça, ils veulent l'employer, le mec qui a créé le tonnerre mécanique, il se dit, oh non, ils vont encore faire une arme, et il se barre apparemment, trouver une base secrète aux États-Unis pour... C'est un peu le même principe que Supercopter. Ouais, c'est le même principe, il veut pas rendre le tonnerre mécanique, et pour finir... il l'autorise à faire des missions Black Ops pour aider les gens. On est sympa aux États-Unis. Hein. T'as une machine qui vaut des milliards. Non, mais garde-la, c'est bon, va aider trois pecnos. Mais c'est vrai. Ouais, elle avait de la gueule, cette moto, quand même, avec tous ces rayons laser et tout. Ouais, puis... Puis elle volait aussi. Elle avait un turbo comme K2000. Aussi. Là. Mais l'histoire des 500 km, faut arrêter, quoi. En plus, je crois que c'était des MPH, en plus, des miles par heure, mais je suis pas sûr. En ligne droite, hein, je sais pas, il tourne jamais, parce que... Si, à un moment, tu le vois tourner, ça défie les lois de la physique, quoi. J'ai l'impression qu'il fait comme Ottoman, tu sais. Comme dans Tron. Tu sais, quand ils font des courbes. Ouais, voilà, ça des fait courbes droites. T'as le bruitage du mec, que puis tout d'un coup, tu vois le mec qui tourne et t'entends juste un bruit de. C'est quoi ça? Moi, ça t'a toujours impressionné qu'il n'y ait pas eu d'accident, quoi. C'est ça le truc. C'est le tonnerre mécanique. On s'éloigne des séries technologiques et puis on va se rapprocher des séries un peu space opéra. Bon, toi, t'avais pas vu Buck Rogers au 25e siècle? 1987. La NASA lance le dernier de ses grands vaisseaux spatiaux. Pris dans une tempête cosmique, Ranger 3 et son pilote, le capitaine William Buck Rogers, sont déviés de leur trajectoire et placés sur une orbite qui gèle son système de soutien de vie et ramène Buck Rogers sur Terre quelques 500 ans plus tard. Donc je vais parler un petit peu de cette série vite fait. Encore une adaptation de Glenn Larson, hein, il est toujours là le mec. Hein. Là c'est aussi un peu comme Capitaine Flamme, c'est-à-dire que c'est un héros qui vient du pulp, créé par Philip Francis Nolan en 1928. C'était vraiment l'ère des super-héros spatiaux. Là t'as plein de téléfilms, t'as même le téléfilm pilote qui était sorti au cinéma. Parce qu'en ce moment on était dans une période où ils exploitaient tous les pilotes de téléfilms. On a eu celui-là, on a eu Galactica après, on a eu l'incroyable Hulk qui est sorti au cinéma aussi. Galactica, il n'y a pas de Dirk Benedict dedans ? Si, si, mais on va en parler après. D'accord. Et il y avait Spider-Man, le truc kitsch qui était sorti. Donc au cinéma, on passait un peu des trucs de moindre qualité des fois. Hein. Donc voilà, Buck Rogers, c'est un gars qui s'endort dans sa navette dans l'espace en perdition. Et puis comme il est congelé, il se réveille au 25e siècle et ils arrivent à le ranimer parce qu'ils ont la science pour le faire. Et lui, il devient une espèce de James Bond de l'espace où il y a une collègue qui a un super canon, je vais dire. Il y avait un super vaisseau qui s'appelle le Starfighter. D'ailleurs, Starfighter, tu le retrouves plein plein de fois dans tous les séries de science-fiction et tout. Et puis lui, il passe de planète en planète, il résout des affaires, un peu comme Capitaine Flamme d'ailleurs. Toujours à la pointe d'humour, un peu misogyne des fois. Ouais, très misogyne. À l'époque, ouais. C'était ça. Hein. Ouais. C'était le beau mâle viril, tu vois. C'était le beau mâle viril, ouais. Un peu comme dans Sheriff Fais-moi peur. Et ouais. Puis les femmes, c'était toutes des bombasses à gros. Des pin-up, quoi. Ouais, ouais. C'est vrai que Sheriff Fais-moi peur, ce qu'on retient, c'est la cousine Daisy, mais bon. Ouais, et puis les beaux gosses Duke, hein. Ouais. C'est tout. Ouais. Et puis les méchants, tous des crétins. C'est ça. Ils sont moches et en plus, ils sont cons. Donc, tout l'archétype. Voilà, donc, Buck Rogers. Il y a eu un serial en 1939 avec l'incontournable Buster Crab, qui a fait aussi Flash Gordon en ce temps-là. Bah, d'ailleurs, je pense que cette série a commencé dans l'émission Temps X des frères Bogdanov. Mais peut-être qu'on pouvait parler un petit peu de cette émission qui a un peu influencé notre goût pour la science-fiction quelque part. Bienvenue à bord du Temps X, vaisseau hélionique de 12e génération à immersion hyperspatiale. La semaine dernière, nous avons donc quitté le sol de la Lune et aujourd'hui, j'ai le plaisir pour la première fois de vous accueillir à bord de notre vaisseau-mère, à bord de notre module de commande. Bah, clairement, les frères Bogdanov ont toujours tenté, même des fois quand même réussi, à vulgariser ce que personne ne pouvait comprendre. Mmh. Matière noire, trou noir, chiffre de Dieu, etc. Ouais. Alors chiffre de Dieu, attention, c'est pas de la religion. Hein. On se demande pourquoi tout ce qui est dans la nature a des codes de numérique, en fait. C'est juste ça, le chiffre de Dieu. Les 0 et 1, 0 et 1 ? Non, 0, 1, 2, 3. Il y a certaines plantes, par exemple, si t'enlèves un génome dans leur ADN tel numéro, la plante, elle se casse la gueule, etc. Et on se demande pourquoi tout numériquement est aussi parfait. Tu vois, comme la suite de Fibonacci ou des trucs comme ça, on se demande pourquoi, et eux se demandent pourquoi, enfin ils se demandent, c'est les frères Bogdanov, hein. C'est pas eux qui se demandent, ils prennent des œuvres, ils les traduisent et ils les vulgarisent. C'est vrai que bon, c'était des bons présentateurs parce qu'ils avaient un certain ton pour, moi je me souviens de leur façon de parler. Ouais, mais c'est des vulgarisateurs, ouais. Je veux bien qu'ils ont un doctorat tous les deux, mais c'est plus des vulgarisateurs que des vrais scientifiques. Ouais, c'est ça, c'est des hommes de show quoi. Ouais, ils sont là pour faire le show. Ils présentaient des reportages, des documentaires, il y avait pas mal de making of aussi de films qui sont sortis. Je me souviens notamment de celui de Star Trek 3, et c'est comme ça que j'avais harcelé ma mère pour aller voir Star Trek 3 à la recherche de Spock, alors que j'avais même pas vu les deux autres. Mais de toute façon, je pense que je me serais endormi au premier parce que c'était pas mon... En ce temps-là, les films un peu longs, c'était pas mon truc. Et puis, il y avait aussi pas mal de séries, la quatrième dimension, Au-delà du réel... La quatrième dimension, ça a été culte aussi, mais ouais. C'était large. Je pense même que j'étais pas né à la sortie de la première quatrième dimension, de Twilight Zone, c'est ça. Mais il repassait tous les anciens épisodes. Il repassait tous les anciens épisodes, et c'est des trucs qui ont pas vieilli. Ah ouais, il y a toujours cette anxiogénité, cet climat anxiogène dans les séries. Voilà, puis c'est à la fois utopiste, dystopique, réaliste, pas réaliste. Bon après, ouais, les mecs, quand c'est des extraterrestres, ça a mal vieilli. Hein, ouais, ça, les... Mais je veux dire, les histoires sont franchement intéressantes. Les masques, le masque de latex... Pff, ouais. Même des moments, je me demande pas, c'est du plâtre. Mais bon, c'était pas mal pour l'époque, hein, faut avouer. Ah, pour l'époque, c'était excellent. Ouais. Voilà, quoi, un petit aparté sur Temps X. Bah, je vais enchaîner sur Galactica. Toi, tu connais un petit peu la série moderne, mais moi, je vais revenir sur la création de Glenn Larson, encore lui, hein. Bah, une série qui a pas duré très longtemps, 21 épisodes, une saison, avec Lorne Greene dans le rôle du commandant Adama, Richard Hatch dans le rôle d'Apollo, et sur ce que tu disais tout à l'heure, Dirk Benedict dans le rôle de Starbuck. Donc Dirk Benedict, bien sûr, tu vas me dire qui c'est. Bah en fait c'est le futé hein, dans la Tout à fait. Risque. Il y a même un clin d'œil à Galactica dans le générique vu qu'il y a un Cylon qui passe devant lui. Il y a un Cylon qui passe devant lui et il montre du doigt quoi. C'est ça, il dit c'est moi là. Tu me reconnais toi, ça fait un peu méta, tu vois quelque part. Ah oui, c'est un truc méta. Ouais. Ouais, voilà donc Galactica qui est quand même une grande saga de science-fiction qui est très Star Warsienne dans son truc parce que t'avais un espèce de Han Solo, c'est la première série que Lucas a quand même vu de travers parce que il commençait à plagier un petit peu. Lucas tant que ça plagie que ça fait pas de succès, ça lui pose pas de problème. Ouais, c'est ça. Mais quand ça commence à faire du succès et qu'il n'a pas touché ses faf, ça va déjà le plus lui poser de problème. Ouais, c'est clair. Donc, on a une suite, Galactica 1980, qui est beaucoup moins réussie parce que tout se passe sur Terre, donc le budget, évidemment, il y a moins d'espace, donc c'est dans des endroits qui coûtent pas cher, quoi. Ouais, puis ils sont enfermés en prison, il n'y a pas d'empreinte. C'est ça. On essaye de nous dire, c'est des extraterrestres, mais terrestres, etc. Alors, ils se rendent compte, parce que leur but, c'est de rechercher la Terre, en fait. Les 12 colonies et la 13e colonie, c'est la Terre. Mais ils se rendent compte que la Terre, elle est pas du tout évoluée. Ils savent même pas aller dans l'espace. Donc ils arrivent là-dessus. Les Cylons, ils sont conquérants, quasiment. Et c'est ça le but de... Mais bon, elle est pas terrible, cette mission, cette série. Et ça a pas terrible. Heureusement, ça a pas très dur. Par contre, celle qui a connu beaucoup de succès, c'est Battlestar Galactica en 2004, quoi. Celle-là, moi, j'ai vu la première saison et j'ai trouvé ça vraiment excellent. Alors, j'ai pas vu. Les Battlestar, je connais que les mêmes sur Internet, hein, ouais. Notamment la célèbre femme avec sa robe rouge, là. Oui, numéro 6. Mais ouais. Sinon, c'est une série que j'ai pas vue du tout. Eh ben, je te conseille de la regarder parce qu'il paraît que c'est vraiment bien et qu'il y a plein de... Tout ce qui aime bien la philosophie dans la science-fiction, ben là-dedans, tu vas être servi. Puis les effets spéciaux, tout ce qui est au niveau des poursuites et des robots et tout ça, c'est vraiment bien fait. Moi, j'ai accroché dès la première saison, j'ai pas tout fini, mais je m'y reprenais. Et puis, il y a aussi cette série préquelle, Caprica, qui, en fait, s'est située bien avant Galactica, qui explique, en fait, la rivalité qu'il y a entre la famille Adama et une autre famille qui est les frères... qui est la famille qui a créé les Cylons. Et c'est là qu'on voit les premiers Cylons, les premières révoltes. Bah, la dernière série qu'on va enchaîner, je te laisse la présenter, c'est Sankukai. Bah, Sankukai, alors c'est pas vraiment un Super Sentai. Ils ont essayé de faire un truc live de science-fiction. Qu'est-ce que tu dirais comme comparaison, par exemple? Oh, j'ai l'impression que c'est le château de Takeshi mis en version live et on essaye de le mettre. Je pensais que t'allais dire le Star Wars du pauvre. Ah non, c'est le Star Wars du tiers-monde. C'est même pas du pauvre. Oh, les mecs, ils sont en train de remettre leur masque pendant qu'ils sont en train de parler, quoi. Enfin, tu gardes pas ça à la coupe, quoi. J'aime bien que la pellicule, ça coûtait cher au Japon. Enfin, encore, c'est Nikon et Konica Minolta qui avaient les droits sur les pellicules. Mais t'as les mecs qui font, je vais te pirmer son masque en même temps. Si tu penses à Comenor, toi. Ah, ouais. Comenor avec ses grosses, ses espèces de cornes, là. Mais je te jure, ça faisait, on essaye de faire un truc mieux qu'un Super Sentai. mais on n'y arrive pas. Bah, c'est kitsch au possible. Le problème, c'est que ça se veut pas kitsch. Bah, on a du mal à y croire, du coup. Hein. Puis c'est japonais. Enfin, le problème de Sankukai, c'est que c'est pas prévu pour faire plaisir aux Européens. Hein. C'est vraiment pour les Japonais. Les Japonais pas très regardants. Bah, le problème, c'est que ça flash aux yeux que c'est un plagiat de Star Wars, quoi. Parce que t'as Luke, t'as Han, t'as la princesse Leia, t'as Chewbacca, t'as le robot R2-D2, t'as tout dedans. Ouais, quoi. Le seul truc, c'est que eux, ils se transforment. C'est la seule différence. T'as, tu sais, là, Hayato et Ryu, quand ils mettent leur filet, là, pour... Leur avec côte de maille ou filet de pêche ou l'espèce de truc de casque avec leur ça fait plus arabe que japonais d'ailleurs, mais bon, ouais, on dirait un prince arabe. Ouais, c'est il bizarre, la plume là. Non, mais je sais pas, ils ont été chercher les poubelles ou quoi, ce truc là. Ouais, c'est kitsch avec possible, les espèces de sabres là. Il y avait un truc qui était bien, c'était le vaisseau qui séparait, quoi. C'est tout ce qu'il y avait de bien dans ce truc là. Ouais. Le cosmosaure avec qui ressemblait au Star Destroyer quand il s'amenait dans le plan. Mais franchement, tu rigoles quand tu vois ça. Bah, en fait, c'est une... C'est pas fait pour rigoler, c'est ça le problème. C'est voilà, c'est normalement, ça se prend au sérieux, Sankukai. Ça t'a quand même des morts, hein. Des situations. C'est très sombre, hein, ouais. Mais le problème, c'est que c'est dark. Mais enfin, je veux dire, comment c'est tourné. Mais le contexte, il s'y prête pas, quoi. Ah non, puis c'est... Enfin, c'est... c'est spécial, pour être poli. T'as Simane... De quel côté le casque va pencher, quoi, tu vois, le masque. Ah, ça fait un peu, on a envie de faire un Star Wars en série. Voilà, on n'a pas de pognon, ben on va le faire quand même. On va faire des grandes batailles spatiales avec des mecs qui... le village, je l'ai retrouvé, hein, c'est Golem 13, parce que je confondais avec Louis BXMX 11, qu'on va parler tout à l'heure avec XOR. Mais Golem 13, là aussi, c'est fauché, hein, t'as une espèce de peinture. Et tu l'as vu, le dernier épisode de Sankukai, tu sais ce qu'il y a? Non, je m'en rappelle plus. Tu t'en souviens plus? J'étais trop petit, fait, j'ai spoilé, parce que de toute façon... Oh bah là, oui. Hein. Donc, Eolia, elle a une sœur jumelle, et en fait, Louis Golem 13, c'est la sœur jumelle de Eolia. Donc ça finit comme ça, quoi. Eolia crève, elle se sacrifie pour sauver l'univers de la tyrannie de sa sœur jumelle. Alors il y a un pilote qui s'appelle Les Évadés de l'espace, qui était sorti au cinéma. Et c'est pas du tout un pilote, parce que bah du jour le Sankukai explose à la fin. Donc, vachement le pilote. Y a pas Ryu. Non, mais c'est normal. Y a pas Ryu. Ils les ont ressuscités avec les Dragon Ball. Y a pas Ryu, puis y a un casting un petit peu occidental, quoi. Y a deux trois occidentaux qui jouent dedans. Et mec, on voudrait sortir les trucs en Europe et aux États-Unis. Mais c'est des blancs. C'est ça. En fait, c'était pour exploiter le filon en Occident. Et mais c'est vraiment super mauvais, quoi. Bah, c'était fauché, hein, clairement. Complètement. Bah, je crois que c'est le pire de tous les trucs qu'on a parlé. Là. Ouais, parce que même les trucs dont on va parler après, donc les tokusatsu, c'est fauché quand même. Hein. Je dis pas. Hein. Mais t'as pas les mecs qui remettent leur masque en plein combat. Quoi. Ou bien l'œil qui est penché, ou je sais pas. Ouais, quoi. Ouais, à un moment, on voyait la moitié de son œil. C'était pas un effet spécial, hein, c'était le masque en train de se gasser la gueule. Ouais, puis bon, le cockpit du Sankuka, tu vois bien que c'est pompé sur celui du Faucon, hein, et t'as les grandes commandes, et t'as les... Tout bah ouais, mais... Tout, et puis quand ils se penchent, c'est un peu comme dans Star Trek, hein, quand ils se penchent vraiment, les mecs. Hein, c'est pas les seuls trucs qu'ils ont pompés. Hein. Non, mais je veux dire, y a que les vilains, ils ont essayé de les différencier, mais heureusement qu'ils ont pas mis un masque de Dark Vador. Ouais, un truc, tu sais, une espèce de casque de... Ou de Trooper. De Shogun, ou de je sais pas quoi, de... Oh ouais. Parce que là, ça aurait été encore plus flagrant. Hein. Ça aurait été encore plus horrible. Hein. Tu vois un épisode, mais tu t'arrêtes après parce que c'est tellement ringard. Quoi. C'est super ringard. Ouais. Ça a extrêmement mal vieilli. Ouais. Mais si vous le regardez au deuxième degré, vous allez juste vous marrer en voyant les mecs se dépatouiller en pleine action avec leur masque et leur combinaison parce qu'ils sont emmerdés avec. Quoi. Regardez le making-of, je trouve que ça doit être marrant à regarder ce truc-là. Mais j'ai l'impression de toute façon qu'à chaque épisode que tu vois, c'est un making-of. Ou un bêtisier, tu vois, le truc. C'est le bêtisier. C'est le bêtisier de... Ouais, ils sont gourés, ils ont sorti que les bêtisiers. Le bêtisier de l'espace, c'est pas le message. La bataille de l'espace, c'est le bêtisier de l'espace. C'est pas mal comme titre. Ouais. Voilà quoi, on a assez trollé sur Sankukai. On va rester dans le Japon. Bah, ça va nous amener donc sur les Tokusatsu, alors. Ouais, alors tu veux expliquer ce que c'est un petit peu? Bah, en fait, c'est les Super Sentai et les Metal Heroes. Ouais. Super Sentai, vous connaissez, je pense, à peu près tous les Power Rangers. Voilà, ça, c'est un Super Sentai. C'est-à-dire c'est pas le premier, c'est Bioman le premier, non ? Le premier, c'est Bioman, mais ça parle moins Bioman que les Power Rangers. D'accord. Pour expliquer ce que c'est un Super Sentai. Et les Metal Heroes, c'est... C'est les grandes armures. Ouais, XOR. Tout simplement. Ouais, c'est des grandes armures. C'est les héritiers d'XOR, ouais. Ouais, ils se transforment en armure. Les Super Sentai, ils se mettent leur pyjama et les... leur combinaison moulante, ouais. Et Metal Heroes, ils mettent des prothèses. Ouais. Alors, on va commencer par le premier, mais... je sais pas, Spectroman, si on peut le classer dans Super Sentai. J'ai du mal, moi. C'est pas un Metal Hero, c'est pas un Super Sentai. Il est entre les genres, lui, hein, Spectroman. Parce que les Super Sentai, normalement, t'as l'esprit d'équipe dedans. Ouais. C'est un Super Sentai tout seul. C'est un Sentai, quoi, non ? Ouais, c'est un Sentai, ouais. Ouais, donc pour moi, c'est le précurseur. Enfin, c'est celui qu'on a gagné. On a quand même attendu 11 ans pour avoir Spectroman à la télé. Hein, faut avouer que c'est un peu spécial quand tu vois comment c'est tourné. Les Européens, en plus, dans les années 70 et 80. Ils bougeaient les bras et. Voilà, c'était pas ancré, hein, quand t'avais un mec qui bougeait les bras comme ils ça. Ils ont attendu, en fait, le succès d'XOR ou de Bioman, hein, tout simplement. Bah non, parce que Bioman, je crois que c'est 84 plutôt, 85. Mais de toute façon, c'est ça. Dès qu'il y a eu Bioman qui est sorti, ils ont été raclés les fonds de tiroir pour voir ce qui se faisait avant. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que Bioman, ça se prenait un peu plus au sérieux. Alors, ils ont dû être bien déçus quand t'as un truc comme Spectroman ou Ultraman qui sort. C'est vrai que les maquillages kitsch et puis bon, les deux méchants, c'est comme Seaman, hein, c'est pareil, hein, niveau de maquillage, ils sont pas coiffés, les cheveux ils sont en bataille, les yeux, on sait pas, ils sont pas en face des trous. Et puis quand ils parlent, bah, leur bouche, elle bouge à peine, quoi. C'est le docteur Gori, tu t'en souviens? Ouais, il balançait un truc pour créer un monstre pour la pollution. Exactement, ou alors soit quand il parlait, tu t'arrangeais toujours pour que quand il parle au héros, c'est le héros qu'on voit, parce que les autres, il n'y avait pas de bouche. Ouais. Ouais, bah il changeait, hein, il faisait but et puis il changeait. Et c'était vraiment l'animation à l'ancienne. Enfin, faut dire quand c'était 1971, c'était les prémices du Sentai, quoi. Ouais, c'était les prémices. Hein, ouais. Et puis au Japon, ça commençait à peine à se lancer. Mais moi j'ai de bons souvenirs quand même de Spectroman et j'avais vu une statuette de Spectroman qui était très chère, hein, dans une convention et puis j'ai dit ah, elle est vraiment classe. Mais c'était hors de prix. Alors je ne sais pas. Voilà quoi, ce qu'on pouvait dire. Peut-être un petit mot sur le Spider-Man. Japonais. Il y a eu un Spider-Man japonais, comme quoi là, il pompe pas que Star Wars. Ouais. Donc c'est pas Spider-Man, c'est Spider-Man. Spider-Man japonisé, hein, tout simplement. Alors attention, Spider-Man japonisé, le mec il se fait pas mordre par une araignée, hein, c'est un extraterrestre qui vient de la planète araignée qui donne des bracelets à un type comme ça lambda, et puis avec ses bracelets il peut contrôler un robot géant. C'est un peu Green Lantern quoi, en fait. Je me souvenais pas qu'il y a des robots géants dans Green Lantern. Hein. Non mais histoire du bracelet, la bague, c'est un peu pareil quoi. Donc voilà, donc il se transforme en Spider-Man. Ouais. Et puis... Il y a un gros robot géant qui s'appelle Léopardon. Voilà, c'est pas donc, non plus. Il y a une tronche de léopard, il y a pas une tronche d'araignée. Ouais, c'est pas non plus, c'est un Sentai, c'est pas non plus un Metal Hero parce que. C'est voilà. Donc il met son pyjama de Spider-Man. Et... Le même pyjama que dans la série de 77 d'ailleurs. Et là c'est complètement fauché. Ah ouais, c'est. Et puis c'est pompage à mort sur Spider-Man, quoi. Enfin, je pense qu'il y a, que le vêtement, mais tout le reste... Ah oui, que le vêtement, genre, hein. Ouais. Spider-Man avec son espèce de véhicule un peu sidecar, tu sais, puis son robot géant qui vole, qui... Ouais, rien à dire sur cette série. Il n'y a pas grand-chose à garder dans cette série. Moi, cette série, je l'ai connue que dans les... Même pas quand elle est sortie. Je l'ai connue que dans les magazines Mad Movies, tu sais. Non, moi, je les ai connues que dans les mêmes internets. Et puis, je me dis, tiens, c'est quoi ça? Et puis, j'ai commencé à regarder. Je me suis dit, bon, ça, j'ai rien raté. Ouais, tu regardes quelques vidéos sur YouTube, t'as tout compris, quoi. C'est ça, le truc. Ouais, bah, vous avez le meilleur sur YouTube, ouais. De toute façon. Tu fais un best-of, tu tapes Léopardon, tu vas voir le truc, tu vas te dire, ah, bah, c'est du Bioman, quoi. On développera plus la mythologie de Spider-Man dans la prochaine émission, avec notamment les versions de 77. Je crois que ce sera mieux. Bah, ce sera plus probant. Ouais. Et puis on va attaquer la licence XOR. Le chéri de l'espace XOR. Son domaine, c'est notre galaxie. XOR. Sur la Terre, il est comme toi et moi. XOR. Dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. Donc là, vraiment, les Metal Heroes, c'est-à-dire qu'ils se transforment en robots, mais en robots, hein, pas en pyjama, c'est-à-dire avec des rajouts, on dirait vraiment un robot. Cybernétique, quoi, ouais. Voilà, j'allais dire, un mélange entre Robocop et Iron Man, on sait pas trop quoi. C'est un peu les Iron Man du coin, quoi. Et avec son épée laser. Quand même beaucoup de problèmes parce que XOR, quand il tombait des escaliers, il se transformait en XOR. Et on a eu quelques problèmes en France avec ça, c'est-à-dire que les petits tombaient des escaliers pour se transformer en XOR. Et là, c'est Gordon, le héros, je crois. Enfin, en titre original, c'est Gavan. Parce qu'en fait, ça fait partie d'une trilogie des shérifs de l'espace. Ce qui est d'ailleurs cité dans le générique, hein, XOR, le shérif de l'espace. Son domaine, c'est notre galaxie, pour rappel. Voilà, donc c'est une création de Saburo Ate. Donc lui, c'est généralement... c'est le même qui va créer Bioman, en fait. Hein. Alors dans les Super Sentai, c'est toujours le même truc. C'est la Toei qui est, voilà, qui est la production. Voilà, là. J'allais dire en général, toujours production d'un Super Sentai ou d'un Metal Hero, Toei. Ouais, bah on peut un petit peu se rappeler de quelques scènes. Alors, il y avait une histoire de moto, de sidecar de volant, ouais, ou pas volant, c'était pas génial. Ouais, il y avait le dragon aussi qui se transformait, là. Ouais, Je sais plus comment il s'appelait, d'ailleurs. Pour Dragon quelque chose. Ouais, Dragon Ball. Non, enfin, bref. Après, il rentrait pour tuer le... C'était toujours pareil. Hein. Pour tuer le vilain, il rentrait dans une espèce de dimension diabolique, là. Ah ouais, parce qu'on pouvait pas péter contre Tokyo. Ouais. Donc, dimension parallèle pour... Il sortait le sabre et puis il coupait en deux. L'épisode type, c'était ça, hein, c'est-à-dire situation. Un peu redondant quand même. Situation, le méchant prévoit son plan. Parce qu'il faut bien nous expliquer le plan à l'avance. Ouais. Hein, voilà. Après, contre-mesure, c'est-à-dire que il se rend compte qu'il n'y a pas de taille contre le méchant. Et après, il arrive dans la dimension, il se dépasse. Et fin. Et il coupe le méchant de. Et il coupe le. Ah oui, toujours. Ah ouais. Non, pas en général, toujours. Non, toujours. Donc, le grand vilain, c'était Louis BMX-11. C'était une espèce de statue qui clignotait, là, si je me souviens bien. Bon, à la fin, il arrive dans le sanctuaire et puis il les bat tous. Mais c'est pas vraiment la fin parce qu'après, t'as XOR-02. Donc, Charlie Van, c'est une suite directe de Guy Van. Parce qu'après, le problème, c'est qu'en France, ils nous mettaient des Bioman 2 là où il n'y avait pas lieu d'être, par exemple. C'est ça. Mais là, c'est vraiment des suites. Hein. Ouais. Capitaine Shader aussi. Après, t'as Jaspion et Spilvan. Ah, Spilvan, oui. Donc, c'est tout des chiens de l'espace qui se ressemblent. Le XOR-02, il avait vraiment de la gueule, je trouve. Moi, je l'avais en figurine. Le XOR en gris, pour moi, il était pas sorti en... Par contre, ils avaient sorti le XOR-02 rouge. Après, t'as le Capitaine Shader, c'est bleu. Et en fait, quand tu les mets côte à côte... C'est les mêmes, mais ils changent de couleur. Ouais, mais tu pourrais faire une équipe de Bioman, quoi, finalement. Moi, j'en garde un bon souvenir, mais les épisodes sont quand même assez redondants. Hein. Faut avouer que, comme tu disais tout à l'heure, c'était toujours le même schéma narratif. Pas de fil rouge. Hein, la transformation, toujours les mêmes plans pour la transformation. Voilà, toujours au même moment, tu peux regarder les timecodes, ça va toujours être plus ou moins la même chose. Puis ça dure 20 minutes, en général, un épisode. 25 minutes, un épisode. Donc, on n'a pas trop de temps de développer les personnages non plus. Puis c'est très rare qu'il y ait des épisodes de partie. Il n'y a pas grand-chose à développer dans les personnages. Non, c'est clair. C'est un shérif de l'espace. Mais le problème, c'est qu'ils auraient pu développer aussi la partie un peu cosmique, c'est-à-dire que ce qu'on voit un petit peu dans le XOR-02, c'est que le fait qu'il y a toute une organisation derrière les shérifs de l'espace, et ça, bon, on voit pas trop, quoi. Là aussi, j'ai un peu l'impression que c'était pour vendre uniquement des jouets, quoi, finalement. Donc on va passer aussi à un gros morceau des années 80, et je te laisse le commenter, vas-y. Bioman, ça c'est très énorme morceau des années 80, parce que c'est le premier truc Super Sentai vraiment qu'on a connu en France, sachant qu'il y a eu des trucs avant Bioman, hein, mais c'est vraiment Bioman qui est arrivé avec toute la mythologie du Super Sentai qui va s'installer sur des décennies après. Donc Bioman, 5 forces, hein, Arc-en-ciel courageux. C'est force rouge, force verte, force jaune, force bleue, force rose. Ouais, enfin, t'as oublié le sketch des inconnus. Jaune devant et marine derrière. Donc, Bioman sorti sur Canal+. Attention, ouais. Canal+, à l'époque, on ne passait pas n'importe quoi. Hein. C'était pas comme maintenant. C'est-à-dire que c'était vraiment culte au Japon et c'est arrivé culte en France. Donc, pour l'histoire, c'était un robot géant qui a breuve de bioparticules des samouraïs des temps ancestraux. Médiévaux, alors. Médiévaux, ouais. Et puis, des générations et des générations plus tard, ces bioparticules sont dans leurs descendants. D'accord. Et ils vont devoir, hein, c'est-à-dire on leur laisse pas le choix. Hein. Et ils sont kidnappés en gros par le Bioman. Hein, ils sont obligés. Et ils sont obligés d'aller se battre contre les forces du Docteur Mad. Mais c'était ça, Mad. Ouais. D'ailleurs, Mad, c'était le seul vrai méchant de la série. Est-ce que les autres. Il n'y a pas un Docteur Mad aussi dans Mazinger ou Mazinger Z Docteur Hell. Ah ouais, d'accord, je confonds. Donc, moi, Bioman, j'ai découvert dans le club Dorothée, je veux dire. J'en regardais un petit peu, mais c'était sympa, c'était le robot qui arrivait, quoi. Bah, moi, c'était sympa, c'est quand il se transformait. Ouais. Tu sais, il se mettait dans les oreilles de Mickey. Ouais. Ça faisait un peu les oreilles de Mickey. Ouais. Avec le bruit de la transformation. C'est là-dedans qu'il y a des véhicules qui se forment pour... Non, ouais, c'est le dragon, je sais plus quoi, là. Et t'as deux véhicules qui sortent du transporteur dragon, et puis ils s'assemblent et ça fait un robot géant. D'accord. Ce qui est bien, c'est qu'avec les deux véhicules, ils se battent rarement, donc ils pouvaient mettre le robot directement, ouais, ça revenait au même. Surtout que le robot, il pouvait voler. Et puis voilà, c'était toujours la même chose, c'est-à-dire, ils se font mettre une tatane, ils se transforment, ils battent les méchants, le méchant explose, il revient à la vie en monstre géant, Bioman arrive, parce que Bioman, c'est le robot. Hein. Bioman, c'est Bioman, c'est le robot. Ouais. C'est intéressant que tu précises, parce que... Moi, je pensais que c'était la force, Bioman. Bioman arrive, ils se mettent dans le robot et ils pètent la gueule aux méchants avec l'épée Mazda. D'accord. Ouais, au Super Menza, normalement, en VO. Est-ce que t'as connu aussi Bioman 2 et 3, alors? Bioman 2, j'ai connu, mais le premier épisode, je comprenais pas pourquoi je l'avais jamais vu en France, j'ai compris pourquoi. Parce que les scientifiques meurent avec les boyaux qui explosent et tout. Ouais, ouais. C'est gore comme ça? Dessus, ouais, c'est gore, quoi. Ouais. Donc voilà, mais Bioman 2, Bioman 3, moi, quand j'étais petit, j'ai pas accroché parce que je comprenais pas pourquoi c'était pas les mêmes Bioman. En fait, c'était pas des Bioman. C'était des autres séries. C'est opportuniste comme titre. Ouais, c'est opportuniste, voilà. Parce que Bioman 2, c'était par exemple Maskman, ouais, c'est ça. Ouais. Et Bioman 3, c'était Liveman. Ouais. Ça n'a rien à voir avec les Bioman, c'est des univers différents, même des mondes différents sur des planètes différentes. Ouais, mais est-ce qu'ils n'étaient pas 5 aussi Bah, par exemple, si tu prends Bioman 2 ou Bioman 3, je sais plus lequel, ils étaient que 3 à un moment. Donc forcément, t'as du mal à accrocher. Quand tu vois un petit peu les présentations, parce que j'ai regardé ça sur les internets, t'as quand même l'impression qu'ils ont un peu pompé sur Bioman, quoi. Pas pompé sur Bioman, c'est toujours les mêmes qui produisent. D'accord. C'est comme Power Rangers, c'est toujours les mêmes qui produisent. Je vois que c'est le même créateur en plus. Et je vais encore aller plus loin. Bioman, que t'as là maintenant, son digne héritier, c'est Power Rangers, ça s'est jamais coupé. C'est-à-dire que dans l'épisode de Power Rangers où c'est des pirates, où ils ont tous les pouvoirs des Power Rangers, ils ont les pouvoirs des Bioman. Donc c'est-à-dire que Bioman, ça s'est jamais coupé au Japon. Ils font un crossover, alors. Et tout se suit dans la série. C'est-à-dire que, il y avait un énorme crossover. Il y avait plus de 50 forces rouges. Ouais, Dieu. Qui se battaient tous en bas. Ouais. C'est japonais, hein. Ils se battent, mais tu les vois pas. 50, ça rappelle un petit peu l'univers d'ici, ça, non? Hein, les 52 planètes? Puis voilà, c'est la suite. Enfin, Aim Saban, quand il a repris Power Rangers, ça fait à chaque fois, il a pris les mêmes acteurs. C'est-à-dire qu'il les a fait évoluer jusque je sais plus quelle saison. Ah, vas-y, on enchaîne sur les Power Rangers, vu que tu parles de Aim Saban, ouais, qui est un compositeur de musique à la base. Hein, mais... Aim Saban, quand il y a vu les Super Sentai au Japon et que il y avait un max de blé à se faire avec les produits dérivés, ce qui l'intéressait, lui, c'était les produits dérivés. Il s'est dit, je vais ramener ça aux États-Unis. Bah, les États-Unis, racistes comme ils sont, des Japonais 12 ans qui se battent et pas trop envie de voir ça, parce que Bioman, c'était quand même des adultes. Ce qu'il faut voir dans les Power Rangers après, c'est quand même des gosses de 12-13 ans, quoi. Donc, qui se font quand même bien latter la gueule. Hein. Dans les Bioman japonais, il y a des morts, hein. Donc, Force jaune, elle meurt dans Bioman japonais. Occidentaliser le casting. Donc, exactement. Il a eu l'excellente idée d'occidentaliser le casting. Et pour les scènes de combat, on prend les scènes japonaises. Il pompe sur. Il pompe pas, il les prend. Ouais, il a acheté les droits. Donc les scènes de combat, c'est les Japonais qui se battent. C'est un peu comme je te disais tout à l'heure avec la bataille des planètes. On récupère le matériel et puis on en fait ce qu'on veut. Mais conclusion, Aim Saban a quand même fait exploser le phénomène de Super Sentai. Ouais. Parce que sinon, je pense que sans lui, on n'aurait pas eu l'éclat des Super Sentai au niveau européen et américain. Ce serait resté qu'il y a maintenant. Ça serait resté confidentiel. Japon. Parce que même en Corée du Sud, maintenant, il y a des Super Sentai. Et tu les as déjà vus t'as pu mesurer. C'est ça, c'est les Power Rangers. Mesurer c'est la qualité. Il les c'est toujours les Power Rangers. Il les adapte. C'est vrai que Corée du Sud. Ça commence en 93, mais là ça prend de l'ampleur parce que moi j'ai noté 3 films, mais il y a plein de séries à côté, notamment le dernier film qui n'était pas extraordinaire d'après ce que tu m'avais dit. Ouais, il était pas transcendant, ouais. Voilà, c'est... Mais il y a eu Power Rangers, le film, par exemple, en 95, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu, c'était avec les Power Rangers Turbo. Ouais, et en aussi, fait, le film, ouais. C'était un prétexte pour nous montrer l'évolution des personnages et d'être à voir un nouveau Megazord. Ça fait bizarre quand tu dis Turbo. Bah, Turbo, en fait, c'est juste parce que c'était des véhicules. Au début, c'était des dinosaures. Ouais, c'est ça, des dinosaures. Ouais, Iguanodon. Des Dino Riders. Non, ça faisait pas ça, quand même. Non. Et puis, à chaque série, bah, ils changent de Zord, quoi. C'est-à-dire qu'ils font un an, puis après, il faut revendre des jouets, donc ils changent de Zord. Ouais, ouais. Donc ça, il y a eu les Power Rangers dans l'espace, il y a eu les Power Rangers Zeo, il y a eu les Power Rangers, et c'était toujours la même lignée. Maintenant, les Américains, par contre, ils se sont rendus compte que c'était un peu le bordel pour garder la même lignée. Donc maintenant, ils font pareil que les Japonais, c'est-à-dire une saison, un type de Power Rangers, on ne reprend plus les mêmes acteurs. Mmh. Comme tu as dit tout à l'heure, on a un peu perdu ces valeurs de faire du Space Opera ou même des mechas, parce qu'on parlait dans tout Power à l'heure... Dans Power Rangers de 93-94, donc 95, quand ils vont dans l'espace... Ouais. C'était encore à peu près, alors attention je vais mettre des gros guillemets, Space Opera, c'est-à-dire qu'ils partaient dans l'espace pour trouver les éocristaux et puis ils devaient revenir sur Terre après. Mais après là ouais on a complètement perdu, là c'est plus du prétexte à vendre des jouets et voilà les méchants c'est toujours le même, je suis méchant parce que c'est bien d'être méchant. Ouais c'est caricatural quoi. Ouais c'est caricatural, le bien, le mal, rien au milieu. Parce que tu me dis il y a Rita Repulsa dans le dernier... Ouais, dans le film, il y a Rita Repulsa, et c'est une ancienne Rangers, donc ils ont essayé de nous montrer qu'on pouvait mal tourner. Ah d'accord. Mais t'y crois pas. Par contre, l'actrice joue mieux que Cate Blanchett. Dans Halo. Dans Thor Ragnarok. Ouais, parce que le cabotinage, des fois, mais c'est un peu là, lourd, tu vois, dans le film Power Rangers, il y avait du cabotinage, mais elle restait dans le rôle Power Rangers, c'est-à-dire que c'était du cabotinage, parce que les méchants dans Power Rangers, ils cabotinent tous. Ouais, ils sont trop, quoi. Ouais, ouais, c'est des méchants en couleur, quoi. C'est... Ouais, puis ils bougent les bras, et... Ouais. Donc voilà, Super Sentai, moi, c'est les valeurs que j'aime bien, c'est-à-dire qu'il y a du mécanique, de la science-fiction au sens large du terme, et surtout le dépassement de soi, et l'esprit d'équipe. Ce qu'il doit avoir dans tous les Super Sentai, finalement. Bah, ce qu'il y a dans Avengers, il y a l'esprit technique avec Tony Stark, l'esprit d'équipe avec Hulk, Captain qui America. Doit quand même s'intégrer, Captain America, de l'action, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'action dans Avengers. Hein. C'est clair. Donc tu vois, c'est de l'esprit comme ça que j'arrive à retrouver dans le MCU, et c'est tout ce genre de série qui m'a fait aimer ce que je regarde en ce moment. Ouais, c'est les bases de la science-fiction. Bah, pas les bases, mais c'est les bases qu'on a eues, nous, à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'en science-fiction, on était mieux servi que maintenant. On a vraiment des héros marquants, quoi. Quand tu regardes la sci-fi comme Runaways, ça m'a pas donné envie de découvrir autre chose, par exemple. Quand tu regardes The Runaways. C'est des super-héros, je veux dire. Ouais, mais c'est des trucs qui sortent maintenant. Ouais. Tandis que les trucs à l'époque, ça faisait rêver. Là, Runaways, c'est de la dystopie, quoi. Enfin, voilà, ils sont seuls contre tous, et puis voilà. Puis après, quand je regarde d'autres trucs maintenant qui sortent, que les jeunes voient maintenant comme Légion, le truc est complètement psychédélique, barré, j'arrive pas à regarder. C'est vrai qu'on est moins, on est moins dans le rêve et plus dans le. Il y a une noirceur qui est apparue à la télévision pour moi. Ce qui se rapproche le plus maintenant des Metal Hero et Super Sentai et toutes ces conneries. C'est Green Arrow, The Flash, voilà, c'est toujours aussi kitsch quoi. Au niveau Super kitschissime, on a que ça en ce moment. Les gens de Sumeru et Black Lightning. Ah, Black Lightning, ouais, mais tu vois, c'est... Enfin, ça te donne pas envie d'aller voir plus loin. Enfin, moi, je suis désolé. C'est clair que. Ouais, en série moderne, qu'est-ce qu'on peut assimiler par exemple Bah, ils ont essayé en moderne de recréer l'ancien pour rattirer un petit peu les anciens, comme MacGyver, New Knight Rider, Bionic Woman. Ouais, ça me... Mais ça marche pas. Il n'y a pas de scénario derrière, et puis les enjeux sont trop importants. Quand tu regardais l'agence Tourisque ou l'homme qui valait 3 milliards, les enjeux c'était rarement planétaire. C'était des fois planétaire, mais c'était rarement planétaire. Bon, c'était plus aller casser la gueule à des communistes, quoi. C'était l'époque. Maintenant, les enjeux sont forcément planétaires, donc les gens ne s'y reconnaissent pas. Divertissement, le côté divertissement des séries de maintenant qu'il y avait à l'époque. Moi, je le retrouve pas. Ouais, je pense que je partage aussi ton point de vue. Maintenant, tout ce qui est série et dessin animé, bah, c'est sombre. Il n'y a plus vraiment cet esprit de rêve. C'est pour ça que moi, j'accroche plus au... Je suis plus tellement basé sur les séries. Je regarde quelques séries de science-fiction, mais... Je décroche vite, quoi. Regarde, tu parles de rêve. Moi, la dernière série qui m'a fait rêver, Star Trek Discovery. Star Trek Discovery, ouais, parce que... On est des Trekkies dans l'âme et que... Mais moi, ça m'a fait rêver, quoi. Enfin, surtout l'épisode avec la planète, là. Tu sais, que la planète, elle est à moitié vivante. Moi, ce qui m'a fait rêver, c'est les 20 dernières secondes du dernier épisode, mais bon. Je veux dire, un jeune qui découvre une série avec Starfleet maintenant, tu vois, là, c'est bien joué. Ils ont à la fois l'ancien truc Starfleet et à la fois du nouveau pour essayer d'accrocher les gens qui connaissent pas l'univers. De toute façon, si on peut parler des films de J.J. Abrams, la trilogie, là, toi, t'en as vu qu'un, apparemment, je crois. Bah, ça m'a saoulé, moi. J'ai vu le premier. Donc, t'as pas aimé, moi non plus, d'ailleurs. J'ai trouvé que c'était pas du tout avec le. Ça se connectait pas du tout avec l'ancienne série, avec la série classique. Et il y a le côté. Mais le côté visuel était super réussi, quoi, je veux dire, à côté de ça. Visuellement, c'est bien, mais c'est. Mais ça fait pas rêver, quoi. En même temps, c'est dur parce qu'on a eu la l'impression quand même à l'époque qu'il y avait des découvertes qui marchaient peut-être pas forcément. Regarde, Star Trek, ça avait pas marché en 63. Non. On nous les a refilés en France parce que c'était quasiment gratuit. Hein. Donc, ouais, c'est pour ça, hein. Il a fallu attendre 82 pour avoir le premier épisode. Quoi. Voilà. Après, tous les trucs des années 80 dont on vient de parler, ou les Super Sentai, etc., bah, ça a des gens qui se sont dit, il y a quelque chose à traiter là-dessus, on va leur mettre. Et puis, à l'époque, c'était quand même plus joyeux quand tu regardais une série. Il y avait toujours une happy end. Il n'y avait pas de mort à tir l'arigot. Et les enjeux étaient pas, voilà, MacGyver, les enjeux planétaires, c'était assez rare, quoi. Moi, je me rends compte que, en fait, j'ai oublié une série essentielle dans cette liste. Bah, c'est Star Trek, la série classique, finalement. Ouais, mais moi, tu vois, Star Trek, la série classique, comme elle est arrivée super tard, ouais. Je l'ai connue beaucoup trop tard pour que ça ait influencé ma jeunesse. Ouais, moi, je l'ai connue quand le deuxième film est sorti au cinéma, La Colère de Khan. Et là, j'ai vu toute sa différence entre les effets spéciaux du film et les effets spéciaux de la série. Et je me suis rendu compte qu'on était très en retard et qu'on n'avait pas préparé le terrain au mythe, quoi, ou à la saga. Mais par contre, moi, j'ai beaucoup aimé les scénarios et les trois saisons, moi, je les ai dévorés. Pour moi, Kirk, Spock et Nimoy, enfin, Shatner, Nimoy et Kelly, pour moi, ça reste un trio mythique qui sera jamais remplacé, quoi. Pas par Chris Pine, Zach Wakinto et Carl Urban. Bon, ils sont bien dans leur rôle. Quoique, je trouve que Spock, c'est pas le Spock que moi, je crois qu'il est très maladroit dans la nouvelle série, dans les nouveaux films. Et pour moi, Spock, c'est Nimoy, c'est la sagesse, c'est le mec qu'il peut pas s'énerver, sauf s'il lui arrive une bricole. Mais là, il a tendance à jouer un petit peu les enfants gâtés, quoi, dans le Star Trek. C'est ça le gros problème. C'est que j'ai trouvé que ce traitement moderne, ça n'allait pas du tout à l'esprit de la saga, quoi. Après, il faut savoir sortir un esprit pour construire quelque chose de neuf, ouais, et d'intéressant. Ça. Le problème, c'est qu'ils construisent quelque chose de neuf. Je suis d'accord. Intéressant, je l'ai pas trouvé. C'est du blockbuster. C'est du Star Wars avec du Star Trek. Quoi. On veut faire du cash, les mecs. Ouais, pour revenir à Star Trek, bah, ça a commencé aussi dans l'émission Temps X, hein, quelque part, parce qu'ils nous faisaient découvrir toutes les anciennes séries. Si on n'avait pas eu ça, on n'aurait pas découvert d'autres séries, comme je disais tout à l'heure. Il y a plein de noms, il y a Le Prisonnier, il y a vraiment des classiques qui ont été reméqués depuis, quoi. Ouais, qui ont été reméqués, mais qui n'ont pas, comme Westworld, ça a l'air de marcher, mais je veux dire, la série originale de Westworld, elle était bien, quoi. J'ai vu la première saison, je suis encore en train de regarder la deuxième. Je trouve que c'est intéressant dans le débat philosophique sur l'intelligence artificielle et les applications, mais des fois c'est un peu long, quoi. En même temps, voilà, c'était de la fraîcheur qu'il y avait à l'époque. Bon, il y en a plein, on pourrait comparer ça. Même V, tu vois, ils ont pas su reproduire. Et c'est des trucs que je pense qu'on pourrait pas, parce que ils veulent forcément faire de la dystopie. Et le problème, c'est que, on en bouffe, quoi, de la dystopie. Bon, je veux bien qu'il faut être dans le raccord, dans le temps, etc. Mais si même les spectateurs décrochent, je pense qu'ils devraient se remettre en question. Et je pense que des trucs neufs en ce moment, moi, personnellement, je vois pas ce qu'on a eu. En neuf, il n'y a pas beaucoup de neuf. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est que c'est beaucoup de remakes, c'est beaucoup de reboots. Dès que tu parles d'un projet, c'est un truc des années 80 qui va être rebooté. De toute façon, la preuve flagrante avec Ready Player One que... Ouais, ou Lost in Space. Très mauvais d'ailleurs cette série. C'est du Ready Player One, on capitalise sur la nostalgie, c'est tout. Parce que même les trucs qui sortent de l'ordinaire, comme du Luke Cage ou du Jessica Jones, ils partent sur une licence qui est pas neuve. C'est ça. Ils adaptent du matériel de comic book. Et à l'époque, ils créent rien à la base. Et à l'époque, on tentait quand même beaucoup de trucs. Alors, tu regardes K2000, fallait tenter. Supercopter, ça partait du même principe. Ouais. T'avais les Misfits, fallait tenter aussi. Ça, c'était quand même pas mal. Les mecs qui chopaient des super pouvoirs, le basketteur qui devenait tout petit, le mec qui lançait des éclairs. Ouais, je me souviens de cette série vaguement. On tentait des trucs à l'époque. Le magicien, le nain, il construit des jouets qui tirent des lasers. Enfin, voilà, on tentait des trucs. Et j'ai l'impression que maintenant, on se mouille pas, tu sais. On prend pas de risque parce que je pense que il y a l'histoire des financiers au-dessus. C'est vrai, des gens qui veulent de la valeur sûre, qui veulent de la rentabilité. Donc on fait un remake de Robocop qui est pas terrible. On fait des remakes de Ghostbusters, c'est plus des producteurs maintenant, c'est des financiers et ils veulent plus miser sur l'originalité, c'est tout. Donc moi je pense que on doit avoir fait le tour de la question. Qu'au niveau science-fiction, franchement là, avec le podcast qu'on a fait qui dure quand même un sacré bout de temps, vous voyez, dans les années 80-90, de la matière, il y en avait. Peut-être que dans 20 ans, on se dira, on avait encore de la matière ici. Mais moi, pour l'instant, la matière qui sort maintenant pour les gamins de 10, 12, 13, 14, 15 ans, je te dis, moi, c'est Pokémon, c'est Yo-Kai Watch, c'est des trucs comme ça. Mais la soupe réchauffée. Tu vois, ça vient du Japon, c'est pas pour autant que c'est bien. Soupe réchauffée, Dragon Ball Super, tu vois, ils connaissent ça. Je suis désolé, il n'y a rien de nouveau par rapport à du Dragon Ball. Manque d'innovation, alors qu'à l'époque, l'innovation, il y en avait. Cruel manque d'imagination à tout niveau. Puis c'était décomplexé à l'époque. L'agence touriste, risque, c'était décomplexé. L'homme qui valait 3 milliards, c'était décomplexé. L'incroyable Hulk, c'était un peu plus sérieux, mais c'était quand même décomplexé. Mmh. Et puis maintenant, bah voilà, on veut faire du truc C'est lisse. Super c'est cérébral. Trop lisse. Et puis, ouais, et puis on veut rentrer dans notre investissement, et puis conclusion, voilà. Je pense que le dernier truc de science-fiction qui a vraiment marché, qui nous a emballé, c'était Stargate, quoi, finalement. Alors Stargate, c'était frais, c'était neuf, ça repartait sur des bases, mais c'était c'était plus des clins d'œil que des trucs comme ça. Et ça avait au moins le mérite de vouloir tenter quelque chose, et ça avait bien réussi. Voilà, ça a peut-être duré trop de saisons, Donc, je trouve que ça avait mieux réussi. X-Files, qui avait bien réussi aussi. Ouais, c'est aussi X-Files, Voilà, mais je veux dire, à part ça, on rate des trucs, mais... Bah alors, on peut pas non plus tout le temps être devant la télé ou devant l'écran pour reluquer tout ce qui est toutes les productions. Et après, c'est vrai que maintenant, on regarde tout sur le net, Netflix, les streams Hulu, les trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait que la téloche. Donc on était bien obligé de regarder ce qu'on avait en face. Puis on avait trois chaînes, quoi, tout cassé, quoi. Et on avait 3-4 chaînes, 5-6, moi j'ai connu jusqu'à la 6. Ouais. Et ça te permettait au moins de, si t'avais un épisode mauvais, de pas trop le critiquer, de regarder le suivant. Alors moi, je voulais parler aussi d'une petite série, d'une petite émission peut-être que t'as pas connue. Ça s'appelait L'Avenir du Futur. C'était une série un peu scientifique où ils présentaient un film de science-fiction et je voulais en parler un petit peu parce que ça m'a un peu influencé. C'est-à-dire que moi j'étais petit et puis des fois mes parents me laissaient regarder le film de science-fiction. Alors parmi les films de science-fiction qu'il y avait eu, c'était il y a eu La Planète des Singes, il y a eu Buck Roger justement, Galactica, il y a eu pas mal de classiques et c'est là que j'ai découvert pas mal de classiques et pour moi c'était des super soirées inoubliables quoi. Outre Temps X. Quand je parle de Temps X, j'ai toujours une pensée pour par exemple l'émission L'Avenir du Futur qui était un film suivi d'un débat quoi, tu vois, si par exemple on parlait de on passait qu'à New York 97, et ben on parlait tout de suite après des mondes futurs ou des mondes d'anticipation ou des systèmes de surveillance ou enfin il y avait toujours une riche thématique quoi. Bon, moi, je vais juste conclure sur ce que j'ai déjà dit, en fait. Tant pis, je me répète. Il y avait beaucoup de créations avant. Maintenant, les créations, je te dis, à part Black Mirror ou Real Humans, les créations un peu originales, c'est très dur d'en trouver maintenant. Et je pense que ça doit être dû à des financiers qui veulent pas se prendre la tête et pas prendre de risques. Peut-être un mot sur notre prochaine émission jeunesse. Donc, on va se concentrer sur les super-héros. Parce que là, on vient de vous parler de tout ce qui a influencé notre science-fiction. Et la prochaine fois, très gros morceau aussi, tout ce qui a influencé tout ce qui est super-héroïsme. Ouais, alors donc, au hasard, quelques exemples. Il y aura bien sûr Spider-Man de 67. Ouais, la Ligue de Justice de qui était un peu nanardesque. Ouais. Dana et Barbera. Il y a les 4 Fantastiques, bien sûr. Les 4 Fantastiques. Ah ouais. Il y a X-Men, tu parlais des X-Men. Des X-Men, tu as parlé forgé au univers Marvel. D'une grande série qui a marqué quand même pas mal de gens, c'est Batman de 1992. Exactement, la série animée, celle qu'on voyait sur France 3 à partir de 93. Et puis on parlera de la série des séries aussi un peu kitsch style Wonder Woman, tu sais, l'ancienne série. Oui, ou le Batman de 66. Ouais, aussi on peut parler de ça aussi parce que c'est vrai qu'il est passé assez tard sur en France cette série là. Donc voilà, en attente de notre prochaine émission. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.